La communauté internationale admire les exploits dans la direction de Sun Gun du dirigeant suprême Kim Jong-un. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste népalais marxiste-léniniste a souligné que le dirigeant suprême coréen conduit sagement la lutte des militaires et civils du pays pour défendre la souveraineté et le socialisme. Le président du comité suisse-corée a dit que l'armée populaire de Corée s'est développée en puissance politico-militaire et d'élite sans rival sous la direction du maréchal Kim Jong-un, général de type Paektusan. Le comité national d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme du Nigeria et l'association d'amitié avec la Corée ont affirmé dans leur home page d'internet que l'armée populaire de Corée est une communauté et un rang des compagnons d'armes unis pour le même sort, partageant l'idée, la volonté et la détermination avec le commandant suprême, et déclaré que c'est une puissance sans rival grâce au commandant prestigieux sans précédent. Le président de la Ligue populaire, président de l'Institut de la confiance en soi du Bangladesh, a dit que le dirigeant suprême Kim Jong-un inspecte successivement les postes de la première ligne qui courent en permanence la tension à cause de la confrontation coréen-américaine qui dure depuis des dizaines d'années et que la communauté internationale admire son éminente méthode de combat et son courage incomparable.